Bienvenue sur la radio de l'homme moderne, le balado 37 de février 2014. Nous écouterons dans l'ordre Edith Nylon de Don Wells, Blut und Eisen, Frightened Rabbits, Swell Maps, Stiff Little Fingers, Subhumans, RJD2, Ify Club, The Laurels et les Hub City Stompers. C'est parti! Nous présentons aujourd'hui, dans cette première émission, quelques éléments pour une définition de l'écologie, quelques données pour l'itinéraire d'une prise de conscience écologique. This isn't how you made it out. say time's a healer, but I can't forget. Cause I live my life full of regret. This isn't what you made it out. Just this. Basket and washed away at sea. This isn't how you made it out. You say time's a healer, but I can't forget. Cause I live my life full of regret. This isn't what you. Oh, Yeah.

silence.